Le Comité national nigérian d'études du kimilsonisme et kimjongnisme a présenté dans son page internet un écrit titré « Nature criminelle des résolutions de sanctions des États-Unis ». Voici le résumé. Les essais nucléaires et du lancement de fusées balistiques de la Corée sont l'option juste autodéfensive contre la menace nucléaire des États-Unis depuis plus d'un demi-siècle. Et le lancement du satellite aussi est le droit légitime d'un État souverain reconnu sur l'arène internationale. Les résolutions de sanctions contre la Corée sont le résultat des actes criminels anti-humains et contre les droits de l'homme qui nient parfaitement le principe humanitaire et qui violent le droit élémentaire à l'existence des Coréens.